بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de cette rencontre sur les ondes de la radio Imam Malik du site Al-Hijra Al-Ilmiya pour une assise autour d'un sujet qu'a traité notre noble cheikh, cheikh Ubayd Hafidahullah de la mosquée Radwan, le Sidi Al-Qi'da dans la mosquée Radwan, en partant du hadith du messager alayhi salatu salam, tout prophète avant moi. Et قال رحمه الله وحفظه ومتع به وطال عمره في طاعته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث. Donc après les louanges à Allah et la prière sur le messager alayhi salatu salam, sa noble famille, ses nobles compagnons, radhiyallahu alayhim, notre noble cheikh dit ceci dit, l'imam Ahmed ainsi que Muslim ont rapporté le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, que le prophète alayhi salatu salam a dit: tout prophète avant moi était de son devoir d'orienter sa communauté vers tout bien qu'il connaît pour eux et de les avertir contre tout mal qu'il leur connaît. Le bien de votre communauté était dans son début et sa fin, et la fin de votre communauté subira beaucoup d'épreuves et apparaîtra chez eux beaucoup de choses qui ne font pas partie de la religion. Le hadith. يقول حفظه الله تعالى ومتع به في هذا الحديث فوائد عظيمة لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة، ويتأكد نشرها بين الناس على أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة، فإن الداعية الناصحة الأمين الكيس الفطن الحريص على بيان ما ينفع الأمة من الفقه في الدين فلا بد أن يجمع بين الأمرين. اللي حفظه الله تعالى سحاديث contient beaucoup de leçons dont tout musulman et toute musulman ont besoin et qui sont recommandées aux gens de science et aux prêcheurs qui appellent vers Allah avec clairvoyance et avec science de propager entre les gens. C'est le son qu'il y a dans ce hadith. Allah, certes, le prêcheur digne du conseil qui est loyal et vif d'esprit et qui tient à ce qui est bénéfique à la communauté, dans la compréhension de la religion, il faut qu'il réunisse deux choses. يقول حفظه الله الأمر الأول دلالة الناس على ما هو أنفع لهم وأصلح وتحذيرهم من ما هو شر عليهم ووبال في العاجل والآجل. فأعظم ما دل عليه الأنبياء والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين هو التوحيد، فقد اتفقت عليه كلمتهم وتتابعت عليه الرسالات. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il dit Habibullah Ta'ala, la première chose, c'est orienter les gens vers ce qui est mieux pour eux, dans leur bas monde et dans leur delà, et dans leur au-delà, et de les orienter vers ce qui va leur être bénéfique, et les avertir contre ce qui va être la source du mal pour eux, dans ce bas monde et dans le delà. Il dit Habibullah, la chose la plus importante vers laquelle ont orienté les prophètes alayhi salatu wassalam et les messagers depuis le premier Nuh alayhi salatu wassalam jusqu'au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tawhid, c'est le fait d'unifier Allah azza wa jal, c'est le monothéisme. Ils étaient tous unanimes sur ce point. Il y a eu succession des messagers concernant le tawhid. Il y a eu succession des messages concernant l'appel vers Tawhid. Et il est dit dans les versets qu'il a cités, Habibullah, dans la traduction approximative du premier, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons pas révélé point de divinité en dehors Allah, adorez-le. » Et dans l'autre verset, la traduction approximative du sens du verset, nous dit cela, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. » Tarout, c'est tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, Azza wa Jal. يقول حفظه الله فهذه الآيات وما في معناها دليل صريح ظاهر قوي على أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والأمر الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله وحده والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. اللي حفظه الله سيبرسي leur similaire et leur similaire dans le sens sont une preuve forte et claire que la base de l'islam et sa fondation principale sont deux choses. La première chose, appeler vers l'adoration d'Allah uniquement et inciter à cela, et inciter les gens à réserver le culte exclusivement pour Allah et s'allier pour cela et considérer celui qui délaisse le tawhid et l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala comme mécréant. Il dit, la deuxième chose, avertir contre l'association dans l'adoration et être ferme là-dessus et désavouer l'association et considérer comme mécréant celui qui l'accomplit, c'est-à-dire celui qui accomplit l'association. Yaqulu hafidhahu Allah, فمن كان من الدعاة على هذا فهو داعية بصير ودعوته على بصيرة ومن كان منهم على غير هذين الأمرين فهو أحد رجلين إما جاهل لا يفقه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من إخوانه النبيين والمرسلين وإما صاحب هوى فهو هوى مبتدع ضال يريد أن يحرف الناس عما خلقهم الله له وأمرهم به إلى ما لم يخلق العباد له من الشرك والبدع والمحدثات في دين الله. Il dit حفظه الله تعالى ومتع به. Donc celui parmi les prêcheurs qui agit ainsi, c'est un prêcheur qui prêche avec science et clairvoyance, et sa da'wa est basée sur la clairvoyance. Et celui qui agit différemment que cela, c'est l'un de deux hommes. soit c'est un ignorance qui ne comprend rien à la da'wa de Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a celle de ses frères, prophètes et messagers alayhi salatu wassalam, ou alors c'est un innovateur égaré qui veut dévier les gens du but duquel Allah les a créés, duquel, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Que ce soit l'un ou l'autre, la communauté doit faire très attention. يقول حفظه الله وسواء كان هذا أو ذاك فيجب على الأمة أن تحذر كل الحذر ممن ينحرف عن طريق النبيين والمرسلين الذي هو الدعوة إلى التوحيد وسائر الطاعات العملية من واجبات ومستحبات ولم يحذرهم مما هو شر لهم وأعظمه الشرك بالله ثم من بعده المعاصي ومنها البدع في دين الله. Il dit, Habidallah, que ce soit l'un ou l'autre, la communauté doit faire très attention à ceux qui ont dévié de la da'wah, de la voie de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam et des messagers, qui est la da'wah vers le monothéisme. Et la da'wah vers toutes sortes d'actes d'obéissance obligatoires ou surrogatoires. Et la communauté doit faire attention à ceux qui n'avertissent pas contre le plus grand des mâles, l'association, et puis ensuite les désobéissances dont fait partie les innovations dans la religion d'Allah. Et il dit, Habidallah, Ala taraunahu qal, Ala taraunahu sallallahu alayhi wa sallam qal, أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال حفظه الله ومتع به: وكل داعية دعوته على بصيرة وهدى نهجه نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وكل جاهل أو صاحب هوى فإنه لا يسير على نهج النبيين وآخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve bien en sa vie dans son obéissance. N'avez-vous pas vu qu'il a dit alayhi salatu wassalam, il oriente sa communauté vers tout bien qu'il leur connaît et les avertit contre tout mal qu'il leur connaît. Il dit, Habidallah, tout prêcheur clairvoyant, sa da'wa doit être basée sur la clairvoyance et la science, bénéfique, et la voix des prophètes, alayhi salatu wassalam. Tout prêcheur qui est clairvoyant, qui agit avec science, sa da'wa doit être basée sur la science, la clairvoyance, et la voix des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et tout ignorant qui suit ses passions, qui suit ses penchants, ne prend pas la voie des prophètes et des messagers alayhi salatu wassalam, et le dernier parmi eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jahabda Allah, wa min haulai al-jahala al-qussas, alladhina ibnuna da'watahum ala al-qasas, wal-hikayat, wal-ahadith al-da'ifa wal-mawdu'a, wa la hamma lahum, illa an yuraqqiqu qulub al-nas, وقلوب الناس متشوقة لا ما يربطهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله أمرا ونهيا وخبرا لا بالقصص والحكايات وما لا أصل له من الأحاديث. وكان ابن عمر وغيره رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين إذا سمعوا القصاص قاموا وتركوا المسجد. إذ حفظه الله et fait partie de ces ignorants, les conteurs d'histoires, ceux qui basent leur da'wah sur les histoires et les légendes, et sur des hadiths faibles et inventés. Leur seul souci, c'est d'adoucir les cœurs des gens, alors que les cœurs des gens ont envie et ont besoin des choses qui les lient avec les prophètes, alayhi salatu wassalam, et d'être liés avec ce qui est venu d'Allah comme ordre et comme interdiction, et d'être lié avec ce qu'Allah a annoncé dans son livre et ce qu'a annoncé son messager dans sa sunna, les gens n'ont pas besoin d'histoire à dormir debout, n'ont pas besoin d'histoire et de légende à dormir debout, et de hadith, ils n'ont pas besoin non plus de hadith inventé. Ibn Omar et les autres compagnons qu'Allah les agrée, ainsi que leurs successeurs tabi'in, quand ils entendent les conteurs d'histoire, ils se lèvent et quittent la mosquée. رضي الله عنهم وارضاهم. يقول حفظه الله دعوة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إخلاص لا إله إلا الله كما دل عليه الكتاب والسنة وأتباعهم كذلك. ولهذا يفسرون لا إله إلا الله أعني دعاة الحق والبصيرة، ومن نور الله بصيرته من عوام الأمة وخواصهم يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، لأنهم يقتفون في هذا التفسير الكتاب والسنة، فما وجد في كتاب ولا سنة معنى لا إله إلا الله غير هذا. إلدي حفظه الله ومتع به لدعوة البروفة عليه الصلاة والسلام دي مساجي سي le fait d'accomplir la religion sincèrement pour Allah, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir la ilaha illallah, comme cela est prouvé par le livre d'Allah et la sunna, et la da'wa des disciples, des prophètes alayhim salatu wassalam, est ainsi aussi la da'wa des disciples des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est aussi une da'wa vers le monothéisme, vers l'accomplissement de la ilaha illallah, l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah. C'est pour ça que les prêcheurs avec science et clairvoyance, je désigne par cela, les prêcheurs de la vérité, qui prêchent avec science ce dont Allah a illuminé les cœurs, qu'ils soient de la masse musulmane, ou des savants, ou des demandeurs de science, explique la ilaha illallah par ni digne d'être adoré qu'Allah, car ils tiennent cette signification et cette définition de la ilaha illallah, ils la tiennent du livre d'Allah et de la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Et dans le livre d'Allah, et dont la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, c'est la seule signification qui est de la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Il dit hamidah Allah, wa bihada ta'lamoun anna la ilaha illallah fi hadha al-asr tufassaru bi tafsirayn ahaduhuma jaa min al-hind wa muassisuhu Muhammad Ilyas al-Kandahlawi مؤسس جماعة التبليغ، فيفسرون لا إله إلا الله بما كان عليه أبو جهل وأضرابه من المشركة الأولى عرفوه قبلهم، فهذا التفسير لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. اللي حفظه الله. Avec cela, vous savez que la ilaha illallah à notre époque s'explique par deux fausses explications. Une explication qui a été exportée d'Inde, et son fondateur, c'est Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, le fondateur de Jama'at Tablir, qui explique la ilaha illallah avec la définition que lui donnait Abu Jahl, et c'est similaire parmi les premiers polythéistes qui connaissent cette définition. Avant Jama'at Tablir, et cette définition de la ilaha illallah chez eux, c'est il n'y a de créateur qu'Allah, ne donne la subsistance qu'Allah, ne gère cet univers qu'Allah, et ça c'est le tawhid de la seigneurie que les associateurs confirment et que les associateurs ont confirmé et confirment. Il dit Habidallah, Akhulu hada huwa tawhid al-rububiyya الذي أقر به أبو جهل وأضرابه من مشركة قريش المشركة الأولى، ومن دان دينها أقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. وهذا ما قصه الله عنهم في آيات كثيرة مثل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والآية أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، يحفظها أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية الأولى. Il dit, Hamdallah, je dis que ça, c'est le tawhid de la seigneurie. Que Abu Jahl, ici similaire parmi les associateurs de Quraysh, confirmait, les premiers associateurs confirmaient ce monothéisme de la seigneurie. Et ceux qui sont sur leur religion aussi, et ceci ne les a pas rentrés dans l'islam, et tous ceux qui ne sont pas rentrés dans l'islam parmi les associateurs confirmaient le monothéisme de la seigneurie. Et c'est ce qu'Allah nous a conté dans le Coran en ce qui les concerne dans beaucoup de versets, comme celui-ci dont la traduction approximative nous dit cela: si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Il dit Allah, c'est ce verset, les versets dans le sens de ce verset sont nombreux. Il dit nos filles et nos garçons des premières classes, du primaire, les mémorisent et les connaissent. يقول حفظه الله وهذه الجماعة لها ذيول وأتباع في كل مكان، بل في المدينة دار الهجرة، وناهيك عن مكة وجميع أقطار المسلمين، ويتبعها الملايين، وهي ضالة مضلة يجب على المسلمين عوامهم وخواصهم أن يحاربوها وينقتوها ولا يمكنوها من مساجدهم. وإذا وجد عضو مؤثر بارز يحضر له من يحضر له ونشيط في دعوته، فيجب علينا أن نبلغ عنه الجهات المختصة تعاونا على البر والتقوى، لأن جماعتنا هي جماعة التوحيد والسنة، لا جماعة تبليغ ولا غيرها. اللي حفظه الله، cette jamaa qui est jamaa tabligh a des branches et a des disciples en tout lieu, même à Médine, la maison de la Hijra, et à Mecca aussi, et dans tous les pays de l'islam. Cette jama'a tabligh est une jama'a égarée, égareuse, et il est suivi par 10 millions de personnes. Et il dit, Hamidallah, il est des devoirs des musulmans, la masse, ainsi que les étudiants en sciences et les savants, de combattre cette jama'a, de la désavouer, et de la détester et de ne pas lui donner la possibilité d'agir dans les mosquées. Et si on trouve un membre actif qui a de l'influence aux assises, duquel assiste du monde, il faut avertir les autorités du domaine pour s'entraider dans le bien et la piété. Car notre jama'a est unique, c'est l'unité. C'est la jama'a du tawhid et de la sunna, et non jama'a du tablir ou autre. Il dit, Hafidhahullah, « وبهذا تعلمون أن جماعة التبليغ ليس لديها من التوحيد إلا توحيد أبي جهل وأضرابه، وهؤلاء قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وتنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, Hafidhahullah, et avec cela vous savez que jama'a tabligh ne connaissent du monothéisme que tawhid al-Rububiyya, qui est le tawhid qu'on reconnaissait Abu Jahl et ses similaires. Et le prophète alayhi salam a combattu Abu Jahl et ses similaires et a rendu leur sang licite ainsi que leur fortune. Pourquoi? Il dit, Hafidhahullah, car ils ont rejeté tawhid al-Uluhiyya, le monothéisme de l'adoration, et ils ont rejeté le prophète et sa da'wa, la da'wa du monothéisme. يقول حفظه الله التفسير الثاني وهو تفسير المبتدع لا حاكم إلا الله، وهو تفسير جماعة الإخوان، وهذه الجماعة أم لكل جماعة ضالة مضلة تندرج تحتها وتنضوي في عباءتها، كما صرح بذلكم أمينها السري علي عشماوي، فقال: لم تخرج جماعة إلا من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين، لا حاكم إلا الله، والحكم لله ليس توحيدا مستقلا، بل هو ينضوي في توحيد الألوهية، لأن الحاكم بالكتاب والسنة يتعبد به لله تعالى، وهو ينضوي في توحيد الربوبية، لأن هذا من معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى. إلتي حفظه الله إيه لا دوزيام فوس انتربريتاسيون دو لا إله إلا الله، qui est une fausse définition aussi, la hakima illallah, il n'y a de juge qu'Allah. Et c'est la définition que donne jama'at l'ikhwal muslimin à la ilaha illallah. Et cette jama'a, c'est la mère de toutes les jama'at égarées et égareuses, qui sont sur sa voie, et qui sont sorties de son giron, comme cela a été dit et confirmé par le trésorier de la branche secrète des Ikhwan musulmans, Ali Ashmaoui. Il a dit, tous les groupes qui sont apparus sont sortis du giron des Ikhwan, de Jama'at Ikhwan. Il dit, Habibullah, donc la hakima illallah, il n'y a de juge qu'Allah, ou الحكم لله لجيجمو يقع الله سني با ان توحيد انديبوندو سني با المونتيسم انديبوندو مي إلي تانكلو دون توحيد الألوهية إل في بارتي دي مونتيسم دو لادوغاسيون كار سلوي كي جيج avec le livre et la sunna adore Allah avec ce jugement et il est inclus dans توحيد الربوبية aussi car il fait partie de la définition de la seigneurie d'Allah. Pourquoi? Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète tout ce qui doit être dans cet univers, que ce soit au niveau des lois ou que ce soit à tous les niveaux, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'hakimiyya, hein, ou ce qu'ils appellent eux, tawhid l'hakimiyya, rentre dans la seigneurie d'Allah, azza wa jalla, et dans l'uluhiyya aussi. يقول حفظه الله وهذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين جماعة سياسية طموحة للحكم وقيادة العالم الإسلامي وقاعدتها التي تنطلق منها ليست شرعية بل هي من نتاج فكر مؤسسهم وإمامهم الضال المضل المفوض القبوري قاعدتها وأصل دعوتها قاعدة المعدلة والتعاون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيدخل في هذه القاعدة كل نحلة ضالة سواء كانت منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية. إلذي حفظه الله ها cette jama'a, la jama'a d'Ikhwan muslimin, est une jama'a politique qui veut prendre le pouvoir et le commandement du monde musulman. Et sa base de départ n'est pas légiférée. Cette base est le fruit, sa base de départ est le fruit de la pensée de leur imam et de leur fondateur, l'égaré égareur, qui est délégué le sens des attributs d'Allah et qui est tuqoburi. Il dit Hafidhahullah, donc la base et la plaque tournante de la da'wah des Ikhwan, c'est la règle de l'excuse et de l'entraide, qui dit on s'entraide sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse mutuellement sur les choses sur lesquelles on est en divergence. Il dit cette règle inclut toute tendance et tout mouvement égaré. Il dit Hafidhahullah que le groupe soit affilié à l'islam comme Rafida ou autre, ou qu'il ne soit pas affilié à l'islam comme le judaïsme ou le christianisme et autres. Il dit Hafidhahullah wa qad tabbaqa hadha al-mu'assis fi 'iddat namadij in sahhat 'anhu minha annahu lamma shakkala majlis al-jama'a min 12 'udwan جعل فيه اثنين أو ثلاثة من النصارى. انظروا جماعة دعوة إسلامية، هذه إسلامية؟ Il dit حفظ الله c'est ce qui a été rapporté est vrai, le fondateur d'Ikhwan a mis en application cette règle. Hein? Dans beaucoup de situations, et fait partie de cela, lors de la constitution du conseil de la Jama'a par 12 membres, 2 ou 3 de ces membres étaient des chrétiens. Méditez et regardez un groupe islamique. Est-ce que celui-là, ça c'est un groupe islamique? Il dit, حفظ الله, لو كانت على شرع الله ومن شرع الله ما جعل في مجلسها التأسيس 3 نصارى والأمثلة كثيرة بسطناها في غير هذا الموضع في مواطن كثيرة ومجالس كثيرة ومن أكثر مجالستنا وصحبتنا يعرف ذلك عنا. Il dit, حفظه الله, cette jama'a était sur la législation d'Allah. Il n'aurait pas dans le conseil de sa fondation 3 chrétiens. Il dit, les exemples sont nombreux. Nous les avons détaillés dans d'autres endroits et dans de nombreuses assises. Et celui qui nous fréquente et fréquente nos assises, c'est cela. Il dit, Habidallah, walhasilu, ayyuhal muslimun, ista'inu billahi ala sunna, was'alullaha, attabat alayha, ولا تلتفت إلى جميع الجماعات الدعوية الحديثة فإنها كلها ضالة مضلة وكبرى هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. Et qui حفظه الله, en conclusion, ô musulmans, demandez l'aide d'Allah pour la sunna et demandez à Allah de vous raffermir sur la sunna et ne prêtez pas attention à ces groupes et ces mouvements et ces nouvelles tendances dans la da'wa. Ils sont tous des égarés égareurs et les plus grandes jama'at et groupes existants sont celles des frères musulmans et celles d'établir. Il dit, Hafidhahullah, jama'at al-ikhwal muslimin awwal ma wafadat alayna min Misr wa jama'at al-tablir awwal ma wafadat alayna min al-Hind wa qad tabata an hadhi al-jama'a يمحصون من دخل فيهم سنين فإذا وثقوا منه واستقر لديهم أنه مخلص للجماعة يدعونه إلى بيعتهم على السلسلة الرباعية الصوفية. انظر صوفية رباعية الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية هذه كلها طرق صوفية مشركة فاحذروا بارك الله فيكم. يلدي حفظه الله جماعة الإخوان nous est arrivé d'Égypte et Jama'at Tabligh d'Inde. Il dit, il a été confirmé que Jama'at Tabligh éprouve beaucoup leurs disciples. Et si ils ont confiance en eux et qu'ils viennent et qu'ils voient qu'ils sont sincères pour leur Jama'at, ils les appellent à l'allégeance. Ils les appellent à leur allégeance sur la chaîne de 4 voies soufis. Regarde et médite, 4 voies soufis. الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية et tous ces voies soufis ce sont des voies de l'association. Faites attention qu'Allah vous bénisse. Il dit, حفظه الله, وجماعة الإخوان المسلمين سياسية طموحة لا تنتقلق من كتاب ولا سنة وكل جماعة حديثة كذلك لا تنطلق من كتاب ولا سنة فكل جماعة من هذه الجماعات الدعوية الحديثة تنطلق من أفكار البشر كل جماعة تنطلق في دعوتها كما تزعم أنها دعوة شرعية تنطلق من أفكار مؤسسيها. لحفظه الله جماعة الإخوان est une jama'a politique dont la base de départ n'est pas le livre d'Allah ni la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام. Et il dit, toute jama'a nouvelle se base sur le livre, toutes les jama'at nouvelles ne se basent pas sur le livre et la sunna. Tous ces groupes et toutes ces tendances et toutes ces nouvelles tendances de da'wa, leur base de départ, les pensées humaines, même s'ils prétendent que leur point de départ, c'est la législation, c'est faux. Leur base de départ, c'est les pensées de leur fondateur et de leur leader. Il dit, Hafidhahullah, quant à يقول أما الجماعة السلفية فإنها لم يؤسسها فإنها لم يؤسسها أحد من البشر بل هي من عند الله بعث بها رسله وأنزل بها كتبه وجعل من أتباع الرسل دعاة مجددين لدعوة أنبيائهم وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il dit contre al-jama'a al-salafiyya. Il dit, il n'a pas été fondé par un homme. Salafiyya vient d'Allah. Allah a envoyé ses messagers. Il a descendu, avec salafiyya ses livres. Et il a fait des disciples, des messagers, des prêcheurs et des revivificateurs de la da'wah de leur prophète, alayhi salam. La salafia, c'est la da'wah de tous les prophètes, alayhi salam. C'est la législation pure d'Allah, azza wa jal. Il dit, c'est pas la fondation d'un homme. Il dit, on arrête là. Prière et salutations sur notre prophète, sa famille et tous ses compagnons. Et cette assise a eu lieu le 23 de l'Hijja 1435 à Médine. Qu'Allah allonge la vie de notre noble cheikh dans son obéissance et lui octroie le Firdaus al-A'la. Et vu que nous avons un peu de temps devant nous, je rajouterai ces paroles de notre noble cheikh dans les trois principes fondamentaux. Il dit, rahmatullah alayhi, hafidhahullah, en tout lieu et en tout temps, les prêcheurs qui font da'wah avec science et clairvoyance se font maltraiter. Et cela diffère d'un endroit à un autre et d'une époque à une autre. Quand la sunna est forte, quand la sunna et l'aqidah salafia est forte, on a lieu, il y a une époque, le da'i subira moins et ne se sentira pas isolé. Mais quand la aqida des salaf et l'attachement à la sunna faiblit chez les gens, le da'i vers la sunna et vers l'authentification de la aqida subira beaucoup et sera isolé. Et celui qui veut accomplir la preuve d'Allah sur les serviteurs doit patienter et prendre comme modèle le messager d'Allah et les réformateurs parmi les imams de la religion et de la science, parmi les compagnons et leurs successeurs et ceux qui sont venus après eux et qui étaient sur leur voie. C'est pour ça que les plus éprouvés sont les prophètes, alayhi salatu wassalam, et puis les meilleurs parmi leurs disciples, parmi les du'at, vers Allah, qui appelle avec science et clairvoyance et qui appelle par la voix des prophètes alayhi sallatu salam et vers la voix des prophètes alayhi sallatu salam. Il dit Habidallah, et l'être humain, quand il s'arme pour être un da'i vers Allah et vers la religion véridique d'Allah, il se sentira isolé par le peu de gens qui suivent la vérité et le grand nombre de divergents avec la vérité. Mais cela ne lui fera aucun mal, car il n'est pas permis de se faire avoir avec le grand nombre. Et il n'est pas permis non plus de négliger le petit nombre. Fin de citation dans Usul Talata. Et dans ce sens, Inch'Allah, je vous lis une deuxième assise de notre noble Cheikh Obeid, qu'il a tenu le 1er Shaban 1435 à la mosquée de Ardouane. Lequel il a déduit des leçons de ce verset. وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Celui dont la traduction approximative nous dit ceci, celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là font partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Après les louanges et salutations Après les louanges à Allah, le souverain du monde et la prière, salutations sur notre prophète alayhi salam, sa noble famille et ses nobles compagnons tous. Il a cité le verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. قال حفظه الله في هذه الآية تسلية عظيمة لكل مسلم ومسلمة من الله عليه بالسنة حينما يرى ويستوحش ويحس بالغربة لكثرة مخالفيه وقلة موافقيه. وإيضاح ذلك أن هذا المستوحش لما ذكر لما ذكر من قلة الرفيق في الطريق الذي من الله عليه بسلوكه يتذكر أن رفاقه أربعة هم خيار عباد الله في كل زمان ومكان، أربعة أصناف تزول به الوحشة وتؤنس بتذكرهم الغربة وتقوى بهم العزيمة ويشتد بهم الأزر. يحفظه الله تعالى. Concernant ce verset dans la traduction approximative dit ceci: celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et qui est bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Il dit Allah, dans ce verset, il y a un grand apaisement pour tout musulman et toute musulmane qu'Allah a comblé par la sunna. Quand ils se sont seuls, quand ils se sont isolés, car ceux qui sont en divergence avec la sunna et avec lui sont nombreux, et que ses compagnons sont peu nombreux, donc ils trouvent un apaisement dans ce verset, et l'éclaircissement de cela, quand celui qui se sent isolé en voyant que ses compagnons de la voie sont peu nombreux dans cette voie avec laquelle Allah les a comblés, il se rappelle que ses compagnons dans cette voie-là de l'isolement sont quatre catégories citées dans ce verset. Sont quatre catégories de personnes qui sont citées dans ces versets, qui sont les meilleurs soumis à Allah en toute époque et en tout lieu. Le fait de se rappeler ces quatre catégories, l'isolement devient léger et se dissipe, et les isolés se sont apaisés et sa résolution se raffermit, il se renforce, il reprend du courage. Il dit à Habib Allah, « Sinfou l'awwal, al-Nabiyoun. Al-Nabiyoun, alayhimu salatu wa salam, fama min nabiyin illa walahu atba' wa mukhalifun wa al-mukhalifun akhtar. Al-Thani al-Siddiqoun, jam'u siddiq, wa huwa al-mubaligh fi al-Siddiq wa al-Tasdiq. لم يخالط قلبه شك في أنه على حق. الثالث الشهداء جمع شهيد وهم كل من مضى في سبيل الله جهاد حق وصدق جهاد على الإسلام والسنة. الرابع الصالحون جمع صالح وهو كل من جمع الله له في عمله بين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك يعني الصالحين هم النائلون قبول أعمالهم عند الله. إذا حفظه الله la première catégorie parmi ses compagnons sur cette voie du prophète. Il dit حفظه الله tout prophète a eu des disciples, mais ceux qui sont en divergence avec lui sont plus nombreux que ses disciples. Il dit la deuxième catégorie, les véridiques. Ceux qui ont atteint le summum de la véracité, le doute ne s'est pas immiscé et n'a pas de place dans leur cœur. Le doute ne s'immisce pas sur la vérité sur laquelle ils ont noué leur cœur. La troisième catégorie, parmi ses compagnons, les martyrs. Ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah dans un combat véridique, léger ferré, un combat pour l'islam et la sunna. Et j'ouvre une parenthèse, ici il ne s'agit pas du combat derrière, ici il s'agit d'un combat légiféré derrière l'étendard d'un gouverneur et non pas derrière les prétendus martyrs de l'Qaïda ou Daesh ou autres, et j'en passe. Ceux-là ce sont les fouteurs de troubles tout simplement et les acteurs de l'anarchie qui jouent le jeu de l'ennemi d'Allah et qui font que l'islam, après chaque barbarie qu'ils accomplissent à travers le monde, l'islam et les musulmans se retrouvent sur le box des accusés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il dit, Havidallah, la quatrième catégorie, les vertueux. C'est tout un chacun, tout musulman qui a réuni dans ses œuvres la sincérité pour Allah, il les accomplit sincèrement pour Allah, et le suivi du messager alayhi salam. Et ceux-là, leurs œuvres sont acceptées par Allah. Et c'est ça les vertueux, salihin. Hein? Ceux qui accomplissent la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salam. Il dit, Havidallah, wa abkuru min al-kalimat al-jamila والوصايا البديعة وصيتين إحداهما عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Il dit, et là je citerai ici deux belles paroles qui contiennent deux extraordinaires conseils. La première, celle de الفضيل بن عياض qui a dit: prends la voie de la sunna. Ça ne te fera aucun mal, le fait qu'il soit suivi par peu de monde. Et fais attention aux voies de l'égarement, il ne te fait pas avoir par le grand nombre. Il ne te fait pas avoir par le grand nombre qui vont périr. Ceci est rapporté dans l'Atisam par Shatibi Rahimahullah. Yaqulu Hafidahullah, al-wasiyatu taniya ani Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abduhab رحمه الله استنبط من حديث عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رأيت النبي ومعه الرهط وفي رواية الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد متفق عليه. استنبط الإمام رحمه الله من ذلكم الحديث لا سيما هذه الجمل قال ثمرة هذا العلم هو عدم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. Il dit rahimahullah, la deuxième parole qui contient un extraordinaire conseil, c'est la parole du Cheikh l'Islam Mohamed Abdelhab rahimahullah alayh, qui a déduit du hadith de l'exposition des communautés au prophète alayhi salatu wassalam, exposition de leur situation lors du jour de la résurrection. Et ça, c'est quelque chose avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé son prophète alayhi salam. Il a dit alayhi salatu wassalam, j'ai vu le prophète avec rat. Rat, c'est entre 3 et 10 personnes. J'ai vu le prophète avec rat. Et le prophète n'ayant comme compagnon qu'une ou deux personnes. Et le prophète qui arrive tout seul. Vous imaginez un petit peu? Et tous ces prophètes, on atteste qu'ils ont accompli comme il se doit. Hein, la fonction que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire d'accomplir. Salawatu rabbi wa salamu alayhim. Et il dit, l'imam Muhammad ibn Abdullah rahmatullah alayhi a déduit des phrases de ce hadith. Il a dit, rahmatullah alayhi, le fruit de ce savoir contenu, c'est-à-dire le savoir et le fruit du savoir contenu dans ces phrases, dans ce hadith, c'est qu'il ne faut pas se faire avoir par le grand nombre et ne pas négliger le petit nombre. Ceci est cité dans Kitab Tawhid. Rahmatullah ala aimmat al-islam. Il dit, Hafidahullah, أقول لأن العبرة بإصابة الحق والسير عليه فمن كان على الحق فهم خاصة الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام وإن كان رجلا واحدا وأما المخالفون للحق وإن كانوا بالملايين فلا عبرة بكثرتهم. Il dit, Hafidahullah, je dis car ce qu'il faut prendre, je dis que ce qu'il faut prendre en considération, c'est d'être dans la vérité et dans la voie de la vérité. Ceux qui sont dans la vérité, ce sont les particuliers d'Allah et de ses messagers, alayhi salatu wassalam. Même si c'est juste un nom seul. Quant à ceux qui sont en divergence avec eux, et quant à ceux qui sont en divergence avec la vérité, même s'ils sont nombreux, il ne faut pas leur donner d'importance. Il ne faut pas leur donner aucune considération. Il dit, Hafidahullah, wa nadhiru fi waqi'i hali al-muslimin, فإنهم أقل الناس ناظروا في حال المسلمين اليوم وفي واقعهم يرى أنه لا أنهم بالنسبة للكفار هم أقل الناس. والناظر إلى أهل السنة في المنتسبين للإسلام يجدهم أقل المسلمين. هذا ما فتح الله به ويسره لنا في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا علينا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله celui qui observe la situation des musulmans aujourd'hui dans le monde, ils sont moins nombreux par rapport aux kuffars. Il dit, celui qui observe les gens de la sunna au milieu de ceux qui sont affiliés à l'islam, il remarquera qu'ils sont les moins nombreux, les gens de la sunna sont moins nombreux que les autres. Et il dit, Hafidhahullah, c'est ce qu'Allah m'a permis, il m'a facilité durant cette rencontre, et Allah, je demande qu'il ne soit bénéfique à tous, prières et salutations sur notre prophète et sa famille, tous ses compagnons. Et cette assise, comme je l'ai dit, a eu lieu le 1er Shaban 1435. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie le Firdaus al-A'la à notre Cheikh et qu'il allonge sa vie dans son obéissance. Et c'est Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi-asma'i al-husna wa sifati al-ula. أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وسألوه سبحانه وتعالى أن يشافي شيخنا الشيخ عبيد، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.